50 ans, le public américain découvrait stupéfié sur ses écrans un ovni. Plus exactement un film de science-fiction d'un nouveau genre, un conte métaphysique, une vision du futur que personne n'avait proposé auparavant, à la fois réaliste, psychédélique, abscon et mystique. 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, un film qui est un projet littéraire coécrit avec le romancier et scientifique Arthur C. Clarke, une fable sur les origines et le devenir de l'homme qui, malgré une réception glaciale de la critique, va lourdement influencer l'imaginaire cinématographique et littéraire de la science-fiction. L'un 50 ans après, c'est le vaste et beau programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous emmener, nous accompagner dans ce voyage, dans le passé, dans le présent et dans le futur de cette odyssée, nos homères du jour sont Carole Desbarra, bonjour. Bonjour. Membre du comité de rédaction de la revue Esprit, ancienne directrice des études à la FEMIS. Bonjour Sam Azulis. Bonjour. Vous êtes cinéaste, philosophe, professeur de cinéma à la prestigieuse université de New York, la NYU, auteur de Une odyssée philosophique, c'est aux éditions de la Transparence, et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Brésil à Quimper avec David Elbaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, conseiller scientifique auprès de l'Agence spatiale européenne et membre du comité d'évaluation sur la recherche et exploration spatiale au CNES, également auteur de « À la recherche de l'univers invisible » aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Mais avant de jeter l'os dans les airs, c'est une autre odyssée hebdomadaire qui vous attend, celle de l'actualité des sciences et de la recherche dans le journal des sciences de Zoé Sfès. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le journal des sciences. Et le premier sujet du journal des sciences de cette semaine, c'est un sujet sur ces enzymes qui sont capables de dégrader le plastique. Cette semaine, une équipe internationale a annoncé avoir réussi à améliorer de 20% les capacités de dégradation de l'une de ces enzymes découvertes en 2016. Et ils ont réussi à faire cela par accident, c'est ce qu'ils expliquent, ces scientifiques américains et britanniques, dans un article publié en début de semaine dans la revue PNAS. Leur objectif était uniquement d'étudier, de comprendre mieux le fonctionnement de cette enzyme qui a été baptisée PETIS, et qui est issu de la bactérie Ideonella sakaiensis, et dont une équipe japonaise avait découvert en 2016 les capacités à manger, c'est-à-dire à dégrader l'un des plastiques les plus répandus, à savoir le polyéthylène téréphtalate, le PET. Et ce faisant, ils ont découvert par hasard qu'ils pouvaient considérablement augmenter cette capacité à dégrader le plastique dans cette enzyme. C'est ce que m'expliquait le français Kamel El-Omari, il est biologiste au Diamond Light Source au Royaume-Uni, et c'est l'un des co-auteurs de cet article. Le but initial, c'était de savoir à quoi ressemblait la protéine, l'enzyme en fait, et avoir un détail au niveau des atomes de cette protéine. Tout simplement parce que la structure d'une enzyme est reliée à sa fonction. Donc si on sait à quoi elle ressemble, on sait ce qu'elle fait et on sait comment elle le fait. Et une fois que nous avons tous les détails des atomes présents dans cette structure, en fait, l'équipe de Portsmouth a utilisé ces détails et la localisation des acides aminés qui forment la protéine et a décidé de faire des mutations, donc de les changer pour vraiment confirmer qu'ils étaient impliqués dans l'interaction avec le plastique, avec le PET. Et en faisant cela, normalement, on s'attend d'habitude à ce que les performances de l'enzyme diminuent. Mais dans ce cas-là, c'était le contraire pour une des mutations où on a vu une performance augmentée de 20%. En fait, les acides aminés qui ont été mutés sont ceux qui sont positionnés dans ce qu'on appelle le site actif. Donc, en fait, c'est la partie de l'enzyme qui va se lier au PET, donc au plastique. Donc on savait exactement lesquels mutaient et ce que ça montre c'est que en fait le site actif, donc le site de liaison au plastique n'est pas du tout optimisé. Et ce qui est quand même assez rare parce qu'en général la nature fait très bien les choses, mais là on a vu que rien que pendant les études préliminaires de cette enzyme, on peut augmenter son affinité et même changer sa spécificité. C'est quelque chose de très prometteur parce qu'il suffit qu'on passe beaucoup plus de temps maintenant à muter d'autres acides aminés et voir en fait ce qui se passe au niveau de l'activité de l'enzyme. Mais c'est vraiment ce qui nous excite tous dans notre grand groupe de recherche. Voilà, une publication qui a évidemment suscité l'enthousiasme de la communauté scientifique compte tenu des enjeux en matière d'application et d'environnement. Mais hier, Zoé, jeudi donc, la firme française Carbios annonce qu'elle fait bien mieux que cela. Et oui, cette société de chimie verte française assure que sa technologie à elle de dégradation des plastiques, basée elle aussi sur des enzymes, est bien plus avancée que celle évoquée dans cet article et qu'elle est même prête à les lancer industriellement pour recycler des tonnes de plastique et ce, dès 2021. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler avant, ou en tout cas pas avec la même publicité? Eh bien parce que les découvertes de cette firme française font l'objet d'un brevet et que donc elles ne peuvent pas encore faire l'objet de publications scientifiques, en tout cas pas pour le moment, c'est prévu dans les mois qui viennent. Alain Marty, c'est le directeur scientifique de Carbios, vous l'aviez reçu Nicolas, dans une excellente émission consacrée au plastique. Il explique que les travaux de Carbios sont très très avancés. Nous on travaille sur une enzyme différente de l'enzyme qui vient de faire le buzz. Aujourd'hui, je ne peux évidemment pas vous dire, hein, pour des raisons de propriété intellectuelle, sur quelle enzyme nous on travaille. On travaille sur une enzyme qui est une lointaine cousine de l'enzyme du micro-organisme qui s'appelle Ideonella, mais qui est une enzyme beaucoup, beaucoup plus performante que l'enzyme qui vient d'être décrite dans cet article. On a entrepris un travail d'amélioration de cette enzyme grâce à une collaboration avec un labo renommé à l'INSA de Toulouse. Et nous avons amélioré à la fois la résistance de cette enzyme, en particulier à la chaleur, ce qu'on appelle la thermostabilité. Et surtout, nous avons amélioré l'activité de cette enzyme vis-à-vis de la dégradation du plastique. L'enzyme que l'on a fait évoluer, c'est un espèce de petit ciseau, un ciseau moléculaire qui va prendre une chaîne de plastique et puis commencer à libérer un à un les monomères qui composent ce plastique. On a fait évoluer les performances de cette enzyme et aujourd'hui les performances c'est de dégrader 97% d'une bouteille plastique en 24 heures. En bref, un nouveau patron pour le commissariat à l'énergie atomique, Zoé. Il s'appelle François Jacques, il succède à Daniel Ververde, PDG de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER depuis septembre 2013. François Jacques a notamment été auparavant PDG de Météo France, conseiller au cabinet du Premier ministre François Fillon et DG de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Et également un nouveau patron à la tête de la NASA. Et oui, la nomination de Jim Bridenstine a été confirmée de justesse la nuit dernière par le Sénat américain. 50 sénateurs républicains pour, 49 parlementaires démocrates contre. Cet homme avait été choisi, c'est un ancien pilote de la Navy, par Donald Trump il y a 7 mois et demi, mais sa personnalité est très controversée puisqu'il nie notamment que les humains ont contribué au changement climatique et qu'il avait critiqué en 2013 le budget que consacre Barack Obama au changement climatique. Deuxième sujet cette semaine, une météorite qui est tombée au Soudan en 2008 contenait des diamants, mais ça n'est pas tant cela qui est intéressant, c'est que cette météorite serait en fait une ancienne planète disparue de notre système solaire. Oui, en fait, elle proviendrait d'une planète disparue importante, baptisée 2008 TC3. Elle intriguait déjà les chercheurs parce qu'elle contenait des minuscules diamants. Alors au-delà du côté clinquant, ces diamants, ils étaient tous orientés de manière très coordonnée. Or, on sait que pour que ce type de diamant se forme à l'intérieur d'un corps céleste, il faut une pression que l'on trouve dans des protoplanètes d'au moins un millier de mètres de diamètre. Mais les chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui publient cet article dans Nature Communication cette semaine, ont observé que ces fragments de diamants contiennent en leur sein de nombreuses petites inclusions de chromite, de phosphate, de sulfure, fer, nickel. Et c'est la première fois qu'on trouve de telles inclusions dans des diamants d'origine extraterrestre. Et ces inclusions nous révèlent que la planète dont est issue cette météorite était d'une toute autre ampleur. C'est ce que m'expliquait l'une des co-auteurs de cet article, la Suisse Cécile Hébert. On parle de petites particules qui ont entre quelques nanomètres et 10 nanomètres de diamètre, qui sont très intrigantes. Quand on les regarde, on voit qu'elles ont des facettes, presque comme un diamant qui a été taillé. Il y a quand même les deux éléments chimiques, le fer et le soufre, qui sont séparés. Puis quand on regarde la composition, on s'aperçoit que ça correspond toujours à la même composition moyenne. C'est totalement compatible avec l'idée que la phase a été formée à des pressions dans lesquelles elle est stable, qu'ensuite la météorite a quitté l'environnement où elle était, la pression a diminué et elle se décompose. Et quand on regarde un petit peu ce qui existe comme phase entre le fer et le soufre, il y en a une qui existe effectivement à extrêmement haute pression, au-delà de 20 gigapascales, donc des pressions qui sont encore plus hautes que celles dont on a besoin pour fabriquer le diamant. Donc, notre interprétation, c'est vraiment de dire, mais le plus probable, c'est que c'est la trace de la structure qu'elles ont eue, que cette structure indique qu'elle a été fabriquée à des pressions au-delà de 20 gigapascales, et ça, on peut plus l'expliquer que par le fait qu'elles étaient dans un corps céleste qui devait avoir une taille entre Mars et Mercure. Les modèles de formation du système solaire prédisent qu'il y a eu des planètes dans les premiers temps du système solaire et qui ont été détruites par la suite. Là, on a un objet très très probablement vient d'une de ces anciennes planètes. Et si vous voulez en savoir plus sur les origines de notre système solaire et sur tous ces planétoïdes qui ont disparu, eh bien, allez donc réécouter l'émission que nous avions consacrée à ces origines du système solaire et dont on va vous mettre le lien tout de suite sur notre fil Twitter. En bref, Zoé, le français Jérôme Hamon devient le premier homme à recevoir une deuxième greffe du visage. Atteint de neurofibromatose, une maladie génétique qui déforme irrémédiablement les traits, Jérôme Hamon avait bénéficié d'une première greffe du visage en 2010. Greffe qui a commencé à 2017 à montrer des signes de rejet graves et qui nécessitaient donc une deuxième greffe totale. Cette deuxième opération complexe a été réalisée à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Elle a eu lieu en janvier et elle est aujourd'hui considérée comme un succès. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, j'ai découvert une navette spatiale dans mon jardin. Mais oui, dans votre jardin ou presque sur votre plage, on avait deux tenanciers de la ferme de Kémenes. C'est une ferme bio autonome en Bretagne, sur l'archipel de Molène. Ils se baladent en début de semaine et ils découvrent un étrange objet, un disque de diamètre de 2,5 mètres, en gros, recouvert d'algues. Alors qu'est-ce que c'est, une espèce de soucoupe volante? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'ils ont découvert, frappé sur ce bout de cylindre, eh bien le logo de la société spatiale américaine SpaceX. C'est donc forcément un morceau de lanceur ou de véhicule spatial qui a certainement dérivé pendant des mois après être tombé dans l'océan à l'issue d'un lancement. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce couple a interpellé sur Twitter le fameux Elon Musk, dont on sait qu'il communique beaucoup. Il n'a pas pris le soin de répondre, c'est dommage. Mais évidemment, la photo s'est répandue sur la toile et Internet s'est passionné pour l'objet. Et la plupart des contributeurs, astrophiles, amoureux de l'espace, optent pour la coiffe d'une capsule de Dragon, le vaisseau utilisé par SpaceX pour ravitailler la station spatiale internationale. On voit sur des vidéos cette coiffe qui a pour fonction de protéger le vaisseau durant la phase d'ascension de la fusée Falcon 9 et qui ensuite est lâchée à une centaine de kilomètres d'altitude. Peut-être qu'un jour Elon Musk aura la gentillesse de nous répondre. Et moi qui pensais que c'était une soucoupe extraterrestre, je suis déçu. Mais oui, vous êtes toujours déçu, je sais. La déception, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il y a peu d'œuvres qui ont l'ampleur et la puissance suffisante pour être capable de préempter une autre œuvre magistrale. C'est le cas de 2001, l'Odyssée de l'espace, sur la musique de Richard Strauss, puisqu'il est devenu quasi impossible depuis 50 ans cette année de ne pas penser au plan d'ouverture de 2001 ou aux images de Stanley Kubrick quand on entend ces notes. D'ainsi parlait Zarathoustra, puisqu'il y a 50 ans, donc le 3 avril 1958, sortait en salle le 7e film de Stanley Kubrick, 1968 pardon, le 7e film de Stanley Kubrick, un projet pharaonique d'un budget de 12 millions de dollars à l'époque, sur lequel Kubrick a travaillé plus de 4 ans et qui va totalement bouleverser les codes de la science-fiction au cinéma. Pour parler de 2001, du film, de ses ambitions et de sa postérité, autour de la table de la méthode scientifique aujourd'hui, Carole Desbarra, qui est membre du comité de rédaction de la revue Esprit et ancienne directrice des études à la FEMIS, Sam Azulis, qui est cinéaste, philosophe et professeur de cinéma à l'Université de New York, qui est en duplex avec nous depuis Quimper, David Elbaz, astrophysicien au CEA. J'aimerais, pour commencer, peut-être simplement vous demander à chacun d'entre vous un moment, une image, une scène, un sentiment qui est lié pour vous au premier visionnage de 2001, Carole Desbarra. Pour moi, c'est clairement la mort de Hal. C'était terrible. Je me suis retrouvée en train de pleurer sur la mort d'un ordinateur. Et je ne m'en croyais pas capable. Et j'ai l'âge de l'avoir vu à la sortie. Donc effectivement, ça reste encore très vivace. Et même en revoyant ce film pour aujourd'hui, j'ai été encore très émue. Samuel Zulis ? Ben moi, j'ai vu pour la première fois 2001 quand j'étais tout petit. Enfin, j'avais peut-être 6 ans. J'étais en Italie et c'était une chambre. J'étais tout seul et j'ai commencé par la séquence trip, hein, la fameuse séquence donc du voyage intergalactique. J'ai cru que la télévision était en panne. J'avais peur de me faire gronder par mes parents et donc j'ai paniqué. Et ensuite, j'ai vu ce type en combinaison orange et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, je comprends un tout petit peu mieux, mais peut-être pas tant que ça, mais un petit peu mieux. David Elbaz. Pour moi, c'est le symbole du monolithe, cette espèce de grande armoire noire, cette porte, et c'est resté mystérieux longtemps pour moi, et je crois pouvoir dire aujourd'hui que c'était comme si ça manifestait le fait que, oui, cette idée qu'on avait quand on était enfant, qu'il y a un tout possible, qu'il y a quelque chose qui est possible, qui nous semble impossible aujourd'hui, mais finalement qui peut le rendre possible, cet objet-là un peu mystérieux va rendre tout possible, et ce regard de l'enfant, il fait écho, c'est ce qu'on retrouve à la fin du film, et pour moi il y a un écho entre les deux, et c'est comme un message d'espoir, et ça reste l'image qui me marque le plus dans le film. Avant de rentrer dans 2001, Carole Desbarat, peut-être qu'on peut dire un mot de l'endroit où se situe 2001 dans la carrière de Kubrick et comment il arrive à ce projet. Alors vous savez, Kubrick n'a pas fait tant de films que ça. Il a fait des chefs-d'œuvre à chaque fois. Il a à chaque fois tenté le coup de changer de genre et à chaque fois il a rénové les genres. Et ce film se trouve entre deux autres films qui sont plutôt désespérés, qui sont d'une part Docteur Folamour et d'autre part Orange Mécanique en 71, 3 ans après la sortie de 2001. Peut-être que justement le fait d'être encadré entre ces deux films qui sont très noirs explique aussi la volonté d'ouvrir. On va parler hein, du sens qu'on peut donner à 2001, qui est extrêmement discuté des encore sens, aujourd'hui. Voilà, pas que chacun peut donner, oui. C'est plutôt ça. Mais peut-être qu'effectivement, il n'a pas verrouillé comme il l'aura fait, par exemple, à partir d'autres films comme Shining, où quand on sort de Shining, on est un peu désespéré sur l'être humain. Samazulis, peut-être un mot pour dire que, donc, comme vient de le dire Carole Desbarat, Kubrick veut se saisir du genre de la science-fiction. C'est quelque chose qui l'intéresse, mais en 64, quand il commence, finalement, la science-fiction au cinéma, c'est un drôle de genre au sens propre du terme. Ah oui, c'est sûr. Et quand en fait Kubrick décide de faire ça, dans la continuité d'ailleurs du Docteur Folamour, puisque dans le Docteur Folamour, il est déjà question de la technique, du rapport de l'homme à la technique. Et Kubrick a cette folle ambition, il le dit d'ailleurs, comme d'habitude, d'une manière très très transparente, je veux faire le film de science-fiction de référence, le meilleur film de science-fiction, le plus puissant, et pour ça il doit s'entourer des gens les plus intéressants, parce que son souci de réalisme, c'est d'abord, bon, il y a beaucoup de choses dans 2001, mais il y a aussi l'idée d'un documentaire sur l'espace, et donc comment présenter la vie de ces hommes du futur, un futur proche certes, mais quand même, ils sont environnés de science. Pour rendre ça crédible, il faut s'entourer de grands scientifiques. Et aussi, effectivement, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que Stanley Kubrick investit effectivement un nouveau genre, un genre qu'il n'a pas encore exploré, qui est celui de la science-fiction, avec Arthur C. Clarke, avec cette idée que la science-fiction à l'époque, c'est quelque chose d'assez pas rudimentaire, mais enfin on pense à la planète interdite, on pense à ces décors de carton-pâte, on a des astronautes avec des aquariums en guise de casque et des séchoirs en guise de laser. Mmh. Donc pour lui, c'est tout à fait autre chose maintenant, la science-fiction. Et des monstres en latex, et voilà. Les grandes heures du cinéma et des Greenhouse, hein, des doubles séances. Un mot peut-être aussi pour redonner, et ça va être important, effectivement, le contexte scientifique à l'époque de 2001, en 64, le film sort en 68, soit à un an, à quelques mois près, avant les premiers pas de l'homme sur la Lune, la mission Apollo 11, David Elbaz. Oui, c'est ce qui est troublant. Effectivement, j'ai envie de dire que c'est plus une fiction scientifique que de la science-fiction, parce que c'est vraiment très réaliste et on est à la veille de la première fois où l'homme va mettre le pied sur la Lune avec le programme Apollo. J'ai cherché des passages, des points techniques qui me semblaient aujourd'hui invalidés par rapport à la vision qu'il y avait de l'époque, et j'en ai pas vraiment trouvé. Alors, j'ai peut-être pas bien cherché, mais c'est ultra réaliste, à tel point qu'on peut voir presque presque ce film comme un peu un film de science-fiction encore aujourd'hui pour ce qui se passera dans, allez, on va dire une trentaine d'années, ou entre 20 et 30 ans, où on va commencer à aller vers Mars. Il y a par ailleurs un vrai souci. On sait que Kubrick était obsessionnel dans son rapport au cinéma, Carole Desbarra. Il y a un souci de documentation. Le projet prend 4 ans. C'est un projet littéraire, 2001. En fait, déjà, on peut dire ça, mais c'est aussi un vrai projet scientifique. Il va aller consulter des scientifiques, des physiciens à la NASA, des astrophysiciens. Il va avoir accès même à un certain nombre d'informations sur le costume des astronautes. Enfin, il y a vraiment un travail de documentation très précis. Oui, qui s'explique à la fois par ce côté maniaque obsessionnel dont vous avez parlé, qui est valable sur absolument tous les secteurs de la création de Kubrick, mais aussi, je crois, par ce désir de tester un autre univers et de le faire de la manière la plus forte possible, parce que justement ce qu'il avance, et on va en parler, vous l'avez annoncé pour la dernière partie de l'émission, il avance quand même des options philosophiques, il avance une façon de voir le monde, et il a une façon très cohérente de voir le monde, ça on le sait, et il a besoin de l'étayer par le fait que nous ne soyons pas surpris par des incohérences, le latex, le côté cheap. Non, là, on est dans une super production. Tout est extrêmement travaillé, extrêmement cher. Je veux dire, il y a 106 personnes qui travaillent pendant un an et demi sur la préparation des effets spéciaux. Ce n'est pas juste l'hubris de Kubrick. C'est aussi le désir d'être en phase avec ce qui est en train de se faire. C'est vrai qu'il faut peut-être rappeler, en 1961, Kennedy fait un discours annonçant pour la fin des années 60, le fait qu'il voulait que non seulement un homme aille sur la Lune, mais qu'il en revienne sauf. Ce qui est intéressant de la part d'un président, je trouve, s'intéresser à ses astronautes. Mais ce qui est passionnant pour un Kubrickien, c'est de se dire que c'est devenu un défi personnel pour Kubrick. C'est qu'il voulait absolument finir son film avant que l'homme mette sur le pied sur la Lune. Donc il a mis toute la puissance de la NASA, tout ce qu'elle a bien voulu lui donner, de l'argent de la Warner pour effectivement aller dans ce sens-là. Sam Azoulis. Oui, justement, pour ce faire, il a fait appel à Clark. Et il faut savoir que Clark n'est pas simplement un écrivain de science-fiction. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'il est un inventeur, il est un scientifique. Et il a inventé en particulier deux choses qui sont passionnante par rapport à 2001, c'est d'abord un système d'alerte très perfectionné, alerte radar, qui a été utilisé par la Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, ce pourquoi il est sans doute le plus connu par les scientifiques, c'est le fameux concept du satellite géostationnaire. Qu'est-ce que c'est le satellite géostationnaire ? C'est un satellite qui a la même orbite que qui suit l'orbite de la Terre. Donc, du coup, les transmissions sont facilitées puisque c'est un point immobile. Ensuite, c'est vrai qu'avec ces super cerveaux, on les a décrits tous les deux travaillant ensemble comme des super cerveaux, ils vont s'entourer de gens qui sont des scientifiques, et notamment parce que Clark lui-même en est un. Donc il a accès à des spécialistes de la NASA. Donc vous avez des gens comme Harry Lange qui travaille dessus, comme Frederick Ordway qui sont des experts de la NASA sur les fusées, sur les missiles, plus le soutien des grandes firmes. C'est-à-dire que derrière 2001, vous avez la NASA, vous avez IBM, vous avez Honeywell, Boeing, Bell, Pan Am, etc., etc. Donc tout ça est extrêmement documenté. Et en plus de cela, c'est la référence cinématographique de Stanley Kubrick lui-même qui va chercher non pas dans le cinéma de science-fiction pour alimenter le film, mais dans les films scientifiques eux-mêmes. Et par exemple, Fred Ordway, Roman Coitor, qui est l'inventeur de l'IMAX et qui a fait avec Colin Lowe un film qui s'appelle Universe, qui est un des premiers films scientifiques à montrer les planètes, à montrer l'univers, va inspirer vraiment l'esthétique de 2001. Et en plus de ça, il va aller piocher dans le cinéma expérimental californien pour trouver de nouvelles idées. Donc, c'est cette espèce d'ouverture incroyable qui va permettre au film d'être incroyablement riche. David Elbaz, un mot peut-être aussi sur l'extrême réaliste, Carole Desbarra l'évoquait à l'instant, des différents navettes spatiales que l'on voit dans le film, de la station spatiale. On voit que notamment cette fameuse scène de course circulaire sur ce tapis de gravité qui a été abandonné mais auquel on est en train de revenir aujourd'hui, il est effectivement extrêmement documenté, extrêmement au fait de l'endroit de la recherche aérospatiale de la fin des années 60. Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette idée qu'il faut essayer de recréer une forme de gravité dans l'espace parce que sinon l'homme en souffrirait, c'est un sujet d'étude tout à fait moderne. Aujourd'hui, sur la Station Spatiale Internationale, on fait des expériences tant pour étudier les effets sur le corps humain que sur la cristallisation des solides. On essaye de voir si on peut faire de nouveaux matériaux. On voit que les globules rouges se déplacent pas de la façon avec laquelle ils devraient se déplacer. L'homme est affecté parce que il perd des muscles, ses os sont affectés, l'insuline ne circule pas de la bonne façon, etc. Donc il faut de l'exercice, comme dans le film. Il faut la question, par exemple, là, c'est un voyage qui est assez long dans le film, et la question qui se pose aujourd'hui pour la prochaine étape, qui serait un voyage de 3 ans, éventuellement avec un aller-retour sur Mars, eh bien là, on se dit, on va faire l'économie de ça, et puis l'homme s'adapte, et puis il récupérera après. Ça lui prendra peut-être 3 ans, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu cher, c'est un peu compliqué de recréer cette gravité artificielle comme dans le film. C'est pourquoi aujourd'hui c'est pas vraiment développé, parce qu'il y a des problèmes de sous, mais c'est complètement réaliste, et les études aujourd'hui ne sont pas encore abouties pour comprendre à quel point l'homme en micro-pesanteur peut survivre. Il y a la microgravité, puis il y a un autre point, ce sont les rayons cosmiques, ces particules qui de temps en temps vont affecter notre ADN et puis peuvent créer, pourquoi pas, des cancers ou autres quand on est dans l'espace et qu'on n'est plus protégé par le champ magnétique de la Terre. Vous savez, au centre de la Terre, on dit toujours le centre de la Terre, c'est l'enfer. Eh bien oui, c'est un noyau de fer qui est en fer et qui crée un champ magnétique et qui nous protège. Et c'est grâce à l'enfer du centre de la Terre qu'on est protégé de la trop grande proximité du Soleil qui nous bombarde avec ses rayons cosmiques. Donc on avait raison, on savait pas pourquoi. Et puis il y a plein de choses intéressantes si on se réfère pour parler un peu justement de cinématographie, la façon dont Kubrick utilise ce cylindre et cette course pour essayer le jeu avec la gravité et l'absence de gravité pour composer des plans dont on cherche aujourd'hui encore. En voyant le film cette semaine, je me dis mais comment est-ce qu'il a réussi à tourner ça? Alors on voit qu'il y a un rouleau qui tourne pour maintenir finalement la personne qui court au sol, mais il y a un moment donné où il y en a un qui est assis, le truc tourne et l'autre monte. Vous voyez cette scène-là où il rentre dans l'écoutille, on se dit mais comment est-ce qu'il a réussi à tourner ça, Carole Desbarra? C'est le génie de Kubrick de réussir à composer des plans qui résistent encore à l'entendement aujourd'hui. Je crois que s'il y a du génie, c'est dans l'obstination, la force du désir, le fait de ne pas renoncer à son désir, parce qu'en fait, je pense que ça a coûté énormément de sueur, de danger aux gens qui étaient pris par des harnais, dans la possibilité, lorsqu'ils étaient dans ce cylindre, puisqu'on parle de ça, qui faisait quand même 6 mètres de large sur un diamètre de 12 mètres de hauteur, c'est une maison si vous voulez ce cylindre, il y avait des écoutilles qui étaient prévues dans ce cylindre pour que les gens qui travaillaient dedans puissent s'échapper en cas d'incendie. C'est dire à quel point quand même on n'est pas du tout dans un petit bricolage maison d'amateur. Et c'est plutôt cette force-là de Kubrick de pousser jusqu'au bout ce dont il a besoin pour l'obtenir, effectivement, quitte à ce que, effectivement, un jour, il y a eu un accident qui a failli être très, très grave. Il y a eu un poids qui est tombé, mais vraiment juste à côté d'un acteur. Et s'il était tombé sur lui, il y a de fortes chances pour que l'accident était très grave. Les machinaux portaient des casques. Voilà. Et je voudrais juste, pour parler de cinéma, dire que à côté de cette folie tatillonne de Kubrick, faudrait dire aussi que, et j'aimerais le citer quand même, que d'une certaine manière, il ne fait que refaire, mais avec énormément d'argent et de puissance, ce que Fred Astaire avait fait dans Mariage Royal. Vous vous en souvenez? Dans Mariage Royal, on avait Fred Astaire qui était amoureux et qui se mettait à grimper. Et au plafond, à marcher au plafond et sur simplement, le mur. Simplement, là, c'était la chambre qui tournait devant une caméra fixe. Un mot sur la cinématographie. Oui, bien sûr, David Elbaz. Cette image magique, juste une petite parenthèse, c'est que ça aussi, ça rappelle quelque chose qui est très fort quand on étudie l'univers, c'est qu'il n'y a plus de haut et de bas, et tout est relatif. On n'a plus de point de repère. Et ça, c'est troublant. On n'est plus attiré vers le bas, et cette idée-là qu'il montre bien avec tous ces plans, c'est que finalement, ce qui nous paraît pendant quelques secondes l'avant, l'arrière, le haut, le bas, et ben là, quelques secondes plus tard, ça s'inverse complètement. Et donc il y a un jeu magnifique là qui nous amène à avoir une intelligence de l'espace qui est fondamentale en mathématiques, dans la théorie d'Einstein, etc. C'est une façon, disons, qui cristallise un peu toutes les théories modernes. Juste par cette image, je trouve ça très très beau. et qui aussi cristallise le regard et change, oblige le regard du spectateur à changer sur l'image. Notre regard n'est pas du tout, on sait que le point de fuite de Kubrick est toujours central, là d'un seul coup il nous fait réexplorer l'intégralité de son champ à Samazulis. Oui, alors juste, alors bon, effectivement je pense que souvent on dit voilà, c'est un film qui a cette séquence expérimentale, la fameuse Stargate sequence, qui est la séquence stricte, mais en fait tout le film est un film d'avant-garde. Tout le film est une symphonie de formes géométriques, une composition incroyable. Donc le film se décline esthétiquement avec une puissance sans précédent. Peut-être je reviens juste un instant sur les effets spéciaux, parce que effectivement, comme on est dans une émission scientifique, là aussi il y a du progrès. C'est-à-dire qu'il y a du progrès au niveau des effets spéciaux et un progrès extraordinaire. Alors on a mentionné la centrifugeuse, la fameuse immense centrifugeuse qui permet d'avoir ces scientifiques qui courent dans la roue. Mais il faut savoir qu'en plus de cela, et c'est couplé avec la centrifugeuse, il y avait un retour vidéo. Donc Kubrick est l'un des premiers à avoir eu ce qu'aujourd'hui est totalement... On appelle les combos. Oui, c'est les combos. Et Kubrick, c'est un des premiers à avoir fait ça, mais pour ces séquences précisément, parce qu'il ne pouvait pas filmer à l'intérieur. C'était une caméra qui était fixe, qui était figée. Donc lui avait besoin du retour vidéo. Et puis, il a utilisé, alors on ne va pas revenir dans le détail, c'est trop long, mais le maquillage est absolument révolutionnaire. La projection frontale, c'est-à-dire pendant les scènes de la préhistoire, en fait. Oui, là, le maquillage, on le revoit. Les masques des australopithèques sont animés. La bouche des masques est animée. Tout est animé. C'est Stuart Freeborn qui s'en est occupé. C'est révolutionnaire à l'époque. La projection frontale, on a déjà utilisé ça. C'est l'ancêtre de l'écran bleu, en fait. Mais jamais dans des telles proportions. Les vaisseaux, les maquettes sont hyper réalistes. On n'est jamais allé aussi loin. Et puis, par rapport aux vaisseaux, ce qui est révolutionnaire aussi, c'est le dispositif de motion control. C'est-à-dire que Douglas Trumbull, Stanley Kubrick ont inventé la motion control qui permet de faire bouger par ordinateur la caméra pour découper des plans et créer des images composites. Sans motion control, pas de Star Wars. Donc c'est là que ça s'élabore. Et puis la pesanteur, on en a parlé, avec des câbles de partout pour donner l'impression qu'il flotte. Et évidemment, pour la séquence strip finale, le fameux slit scan qui a été inventé par Douglas Trumbull, qui est lui aussi révolutionnaire, avec ces images complètement psychédéliques qui sont en fait créées sur un mode analogique. Il n'y a pas de numérique encore, c'est donc de la stop motion avec un obturateur à fente trafiqué qui permet de longues expositions. Donc c'est assez complexe, mais voilà, c'est tout ça extraordinaire. Le seul Oscar qu'il a reçu de sa carrière, l'Oscar pour les effets spéciaux. L'Oscar technique, absolument. Carole Desbarra. Oui, c'est une grande injustice. Bon, c'est bien pour Douglas Trumbull, mais en même temps, si ces effets spéciaux n'étaient pas au service d'une vision du monde, d'un sens à donner au film, de l'émotion pour le spectateur, je crois qu'on s'en ficherait et qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train d'en parler 50 ans après. En fait, ce qu'il y a d'extraordinaire chez Kubrick, c'est qu'il invente au fur et à mesure, grâce à des équipes magnifiques dont il s'entoure, mais ce dont il a besoin pour la folie obsessionnelle qu'il va mettre en place, la représentation du monde, cette espèce de travail sur la violence, sur la destruction, sur la défiance de l'intellect, la défiance du langage. Kubrick est quelqu'un qui est complètement dans l'idée que le langage est dangereux. C'est un film quand même dans lequel on parle très peu. C'est un film très silencieux, de lui. Il dit même qu'il y a 47%, je crois, de la bande sonore qui comporte des dialogues, 47 minutes, pardon, sur 2h20. Donc, en fait, c'est au service de cette conception où il va nous montrer que les singes découvrent un outil, qu'en découvrant cet outil, ils découvrent la violence. Le meurtre. Le meurtre, effectivement, et que c'est à partir de là, en 4 minutes, que justement, du meurtre, on va passer carrément dans ce raccord qui est quand même un des raccords les plus célèbres de l'histoire du cinéma, d'un os qui saute sous l'effet d'une pulsion dans l'air à un vaisseau spatial. Et ça, c'est une façon de dire que l'homme n'a pas vraiment changé depuis qu'il était singe. Alors on se souvient souvent quand on réfère, et puis là c'est finalement de cette partie-là que nous avons parlé le plus, de cette troisième partie, puisque le film est découpé en quatre parties. Il y a cette première partie avec les australopithèques ou les êtres préhistoriques, les hominidés, les homininés comme on dirait aujourd'hui. Il y a la deuxième partie qu'on oublie souvent qui s'appelle Vaisseau dans l'espace et qui est une partie qui se passe sur une base lunaire où on retrouve le monolithe. Puis la troisième partie, 18 mois plus tard, Mission Jupiter, qui est cette fameuse partie avec les deux astronautes et l'ordinateur, et la fin psychédélique Jupiter and Beyond. Et dans cette troisième partie qui marque le public, ça n'est pas tout à fait anodin, puisque c'est dans cette troisième partie qu'apparaît le personnage principal, selon Stanley Kubrick lui-même. Le sixième membre de l'équipage d'Explorateur 1 n'est pas touché par les problèmes d'hibernation, car il représente la quintessence de l'intelligence cybernétique. Le cerveau analytique de recherche et de liaison 500 est un ordinateur capable de reproduire, certains savants préfèrent le mot imiter, la plupart des opérations du cerveau humain. Et cela à une vitesse et avec une précision infiniment plus grande. Nous avons bavardé avec le cerveau analytique de recherche et de liaison, que l'on appelle par le sigle ou le prénom de Karl. Bonjour Karl, comment ça va à bord ? Bonjour Monsieur Hammer, tout est parfaitement en ordre. Karl, vous avez une énorme responsabilité dans ce voyage. On pourrait dire que vous portez la plus grande part des responsabilités confiées aux membres de ce vaisseau. Vous êtes en fait le cerveau et le système nerveux de l'astronef. Et vous êtes programmé aussi pour surveiller l'état des savants qui sont en hibernation. Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités ? Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper. Karl, en version française, HAL 9000 pour Heuristical Algorithmic Computer, en version originale, HAL était le héros du film. Arthur et moi voulions lui donner une personnalité, disait Kubrick, un mot sur ce personnage central qui est là aussi une révolution en termes de narration cinématographique. Non seulement le personnage central n'est pas humain, mais en plus le personnage central est malveillant. Alors, mais... peut-on dire malveillant vraiment ? Ça, c'est une autre question, mais... Ah oui, voilà. Il est malveillant. Il est malveillant. Et c'est pour ça qu'il est humain, dans un univers kubrickien. En fait, pour ceux qui, par hasard, n'auraient pas vu 2001 et qui ont ce grand bonheur d'avoir à le découvrir, HAL, c'est une lumière rouge, circulaire, c'est tout. C'est un œil rouge. Et une voix magnifique. La voix de Douglas Rain. Voilà, qui a un accent... presque british. On va l'entendre en version originale dans quelques instants. Ça vaut la peine parce qu'il a une espèce de côté douce, de longueur, patelin qui effectivement est inquiétant. Et c'est peut-être le seul véritable humain, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est lui qui parle à la première personne, en particulier dans la grande séquence où l'astronaute débranche sa mémoire. C'est lui qui fait cette psychanalyse absolument ironique express qui dure 3 minutes dans laquelle on le voit remonter au fur et à mesure que les disques durs sont enlevés, il remonte vers son enfance, c'est-à-dire le moment où il a été créé. Ça aussi, on l'entendra tout à l'heure. Ah, c'est super. Et en fait, s'il est humain, c'est précisément parce qu'il est malveillant. Et là, on retombe sur l'univers de Kubrick. L'homme n'est pas bon et il faut faire avec. Et ce qui est extraordinaire du point de vue de la narration, assez classique, c'est un des rares moments classiques de narration à l'intérieur de ce film, c'est le moment où les deux astronautes, pour se réfugier, vont s'isoler dans une cellule et vont parler sans que HAL puisse les entendre, sauf que HAL voit leurs lèvres. Et le simple fait qu'il se soit isolé de lui, c'est bien qu'il pense qu'il n'est pas un ordinateur, qu'il est quelque chose d'humain dont il faut se méfier. David Elbaz, un mot sur cette représentation pour la première fois au cinéma, non pas d'un robot, puisque des robots, encore une fois, la science-fiction de série B voire Z en avait représenté plein avec des rayons laser et des costumes en aluminium. Là, c'est une nouvelle façon d'envisager ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle et qui n'était encore qu'un concept très très lointain en 1964-68. Oui, là il y a quelque chose de très visionnaire et j'aime beaucoup la phrase qui est dite, certains disent de cet ordinateur qu'il a la capacité d'imiter les opérations du cerveau humain. Donc on ne dit plus que c'est un ordinateur qui a une logique interne qui est parfaite, mais qui a la capacité d'imiter l'homme. Et donc là, tout de suite... On peut tout de suite comprendre que l'ordinateur qui imite l'homme n'est plus le même que celui que l'on programme et quand on lui dit de faire 1 plus 1, ça fait toujours 2. Celui qui imite l'homme a 2 caractéristiques. La première, c'est qu'il apprend. Et la deuxième, c'est qu'il peut faire des erreurs. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Et l'erreur des scientifiques au début, c'est de penser qu'un ordinateur qui apprend et qui va imiter l'homme pourrait être parfait. Aujourd'hui, quand on fait de l'intelligence artificielle, et ça s'approche tout à fait de ça, eh bien, on sait qu'on apprend à reproduire de manière globale, statistique, le comportement des hommes dans la reconnaissance des formes, déjà. On étudie la forme des galaxies grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, nous, au quotidien. Mais on sait qu'il y a une marge d'erreur. Et donc c'est ça qu'on voit quand l'ordinateur va finir par se tromper. C'est une surprise dans le film, et en même temps ce que Kubrick a très bien vu, c'est que c'est naturel puisqu'il apprend. Et d'ailleurs, quand on enlève sa mémoire, ce qu'on entendait tout à l'heure, eh bien il retrouve son enfance. Or un ordinateur n'a pas d'enfance. Il est tout de suite mûr, sauf s'il apprend. Et la très grande difficulté d'aujourd'hui pour les ordinateurs, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut des échantillons énormes, c'est l'ère du big data, pour qu'ils apprennent. Il faut des puissances de calcul pour qu'ils apprennent. Et il faut un temps énorme pour qu'ils apprennent. Et donc, on peut s'attendre à ce que dans quelques années, il y ait un ministère de l'éducation des ordinateurs. Ce qui est intéressant aussi en termes cinématographiques, Sam Azoulis, c'est que, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, mais filmer HAL, c'est un défi, puisque ça correspond aussi à une ligne cinématographique très nette de Kubrick dans 2001, HAL est filmé en plan fixe. Ce sont des plans statiques, parfois silencieux, souvent silencieux sur cet œil rouge, comme le reste du film, qui finalement est un film où la caméra bouge extrêmement peu. Mmh. Oui, il y a une forme de une esthétique un peu statique, et effectivement il y a cette emphase qui est mise sur l'œil rouge, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de réinscrire un petit peu la figure de HAL dans l'économie générale du film, parce que qu'est-ce que c'est que ce film ? Ce sont des modules hétérogènes qui en fait sont reliés par quoi ? Bah, par du concept, un concept philosophique qui est l'histoire du destin de l'humanité. Alors on commence avec ces hommes singes, et puis on termine par le retour de l'homme, de cette Ulysse qui va cheminer, ce beau man qui va cheminer jusqu'à la Terre, sa Pénélope, et le monstre, l'adversaire, c'est ce cyclope. Mmh. C'est cet œil rouge effrayant. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'œil. C'est que l'œil occupe... Kubrick est un cinéaste du regard. Dans tous ses films, l'œil occupe une place déterminante. On se souvient dans Shining, de Danny, de ses visions. On se souvient d'Alex dans Orange Mécanique aux yeux écarquillés. On se souvient des visions même de Bill dans Eyes Wide Shut, hein, qui voit sa femme lui être infidèle. Donc, l'œil, le regard, c'est quelque chose d'important pour Kubrick, parce que c'est la prédation, c'est le moyen de métaboliser aussi la violence. Et HAL, précisément, c'est un œil malveillant, mais un œil panoptique. Et en cela, il fait écho à, par exemple, l'Overlook dans Shining. Oui, bien sûr. Une entité panoptique. L'hôtel. Omnisciente, l'hôtel de Shining. Et ce qui est très intéressant, c'est que, avec cet ordinateur, on a une nouvelle figure qui apparaît dans le cinéma de science-fiction, puisque c'est presque un film, le premier film post-humaniste, finalement, 2001. Puisqu'on a ce questionnement qui est typique de ces films-là qui vont venir après, que ce soit Blade Runner, plus récemment l'Ex Machina, même dans Wall-E. L'ordinateur central d'Alien, Mother, c'est la mère ou la sœur de HAL. Exactement. D'ailleurs, HAL devait s'appeler à l'origine Athéna. Hein, il était question de l'appeler Socrate ou Athéna. Et donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ici, c'est humain trop humain, comme dirait Nietzsche. C'est-à-dire que l'ordinateur excède l'humanité des passagers. Là où Kubrick est malin aussi. Oui, David Elbaz. Oui, je voulais juste donner une toute petite précision que les experts connaissent, mais HAL, ça s'écrit H-A-L, et ça correspond à IBM. C'est une lettre on avant. On enlève une lettre. Oui. Voilà, une lettre avant. Donc, il y a un clin d'œil aussi. Alors, Kubrick l'a démenti, parce qu'en fait, effectivement, il s'était renseigné, il avait travaillé auprès d'IBM pour préparer le film, et IBM a refusé que le nom de la marque soit associé au film, puisque précisément l'ordinateur était mauvais. Et quelque chose d'intéressant aussi en termes cinématographiques, Carole Desbarra, c'est que Kubrick nous met dans l'œil de HAL. On voit à travers son œil, avec ses plans qu'on appelle en fisheye, complètement distordus, l'œil de HAL qui voit la réalité de façon panoptique, certes, mais de façon déformée. Donc vous voyez bien que c'est un humain. Effectivement, non mais sur le plan narratif et sur le plan de l'œuvre de Kubrick, on est obligé de se dire ça. Bien sûr que ça n'a aucune réalité par rapport à ce qui est le quotidien du réel, mais dans le monde de Kubrick, où tout est traversé par les puissances du mal et par le peu de possibilités qu'a l'humain de résister au mal, il est évident que c'est passionnant pour lui, ce personnage, parce que justement, nous sommes de son côté, et être dans son regard, c'est être en empathie avec lui. Et HAL est connue, peut-être la scène la plus connue, la plus célèbre de 2001, c'est effectivement cette scène glaçante, on vous le disait, il faut écouter la voix de HAL en version originale quand il prend la décision, eh bien, de sacrifier son équipage humain. Open the pod bay doors, HAL. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Voilà, alors si vous n'avez pas vu le film ou si vous comprenez peu ou mal l'anglais, voilà, l'ordinateur explique à Dave qui est sorti du vaisseau pour récupérer le corps de son camarade qui a été expulsé dans l'espace. Eh bien, Hal, l'ordinateur, lui explique qu'il ne va pas le laisser rentrer dans le vaisseau, qu'il va le laisser mourir à l'extérieur, puisqu'il a compris en lisant sur les lèvres des deux astronautes que les deux astronautes comptaient le débrancher. Un commentaire sur cette scène, la scène peut-être la plus célèbre Sam Azulis de 2001. Oui, bah là, je pense qu'on est au cœur du film, dans la mesure où le film, l'un de ses enjeux primordiaux, c'est vraiment la lutte entre l'homme et la machine, qui est presque une lutte à mort entre deux espèces, puisque c'est un film sur une évolution. Et on voit que ces sur l'évolution même de l'homme. Donc on voit que ces deux astronautes sont comme vraiment décrits comme des gens neurasthéniques, dévitalisés. Et d'une manière générale, c'est la technique dans 2001 qui nous est présenté. Alors, Kubrick n'est pas du tout un technophobe, hein, ça je tiens à le préciser, mais il nous présente la technique de façon avec une grande tristesse, avec cet adagio, cette espèce de lenteur, et puis on a l'impression que les hommes sont véritablement des robots. Et d'une certaine façon, il est logique que Hal, qui est l'entité suprême, le représentant suprême de la chaîne technique, considère que ces hommes sont finalement des éléments défaillants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des corps. Et c'est là qu'on retrouve toute la logique du film, c'est qu'un os est lancé au début par un singe, et que devient cet os ? Il devient le vaisseau Discovery, qui n'est autre que le corps de Hal. Un esprit sans corps, ou avec un corps tombeau, Soma Sema, le fameux corps tombeau de Platon. Peut-être un mot pour avancer, puisqu'il est déjà 16h45, et on pourrait parler de 2001 pendant des heures entières, de l'autre héros du film, qui n'est pas non plus humain, c'est ce monolithe noir qui apparaît à chaque époque, qui ponctue le film. Alors, avant de parler de ce monolithe, peut-être faut-il préciser que Kubrick, comme Clark, souhaitait laisser Carol Desbarra, le spectateur, dans le doute, dans la confusion ou dans la liberté d'interprétation, qu'il n'attendait pas, qu'il n'espérait pas qu'on comprenne totalement 2001 en sortant de la projection. Ah mais ça, c'est réussi. Ça, c'est réussi parce qu'il y a une glose impressionnante sur ce monolithe. Alors, je pense que Sam Azulis a certainement son interprétation. Moi, je peux tenter quelque chose, mais c'est sûr que c'est extrêmement ouvert comme interprétation. Le simple fait que ce soit déjà un monolithe noir. Au départ, ça devait être un monolithe transparent, mais ils n'ont pas trouvé le matériau qui... Dans le roman, c'est le cas. Oui, mais le matériau-là ne suivait pas. Donc, c'est noir. Qu'on voit apparaître à plusieurs reprises. Alors, il faut imaginer donc un parallélépipède de très haute taille, devant lequel les humains et les singes sont très petits. Donc, ça devient très, très impressionnant. Et à chaque fois qu'il apparaît, il y a une conjonction des astres qui se place, puisqu'en fait... Kubrick le filme, sauf la dernière fois, en contre-plongée totale. Et on a, qui arrive au-dessus du monolithe, le soleil, la Terre, la Lune, qui se placent dans cette conjonction. Et c'est une façon de dire qu'il y a quelque chose, en tout cas, de particulier. Ça, tout le monde sera d'accord là-dessus. Lorsque le monolithe arrive pour la première fois, il faut décrire un peu pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a des sons stridents. J'ai honte de dire ça, c'est quand même la musique de Ligeti. C'est Ligeti, oui. C'est quand même le Lux Aeterna de Ligeti qui arrive. Mais enfin, ça apparaît comme étant extrêmement tendu, sonorement, et ça alerte les singes, etc. Et ça va se reproduire la deuxième fois, lorsque le monolithe qu'on a retrouvé 4 millions d'années plus tard, enfoui à 12 mètres sous terre, enfin pas sous terre, sous lune. Sur la Lune, oui. Oui. Lorsque des astronautes vont vouloir prendre une photo, c'est à ce moment-là, alors que le monolithe était inerte, qu'il se met à re-émettre. Ce qui, moi, me laisse penser, je sais, ça va être un peu capillotracté, mais moi, j'y crois c'est vraiment. C'est pas grave, allez-y. J'y crois vraiment. Allez-y. Puis je demanderai à David Elbaz et à Sam Azulis leur interprétation. C'est intéressant, on va confronter. Bien sûr, on va confronter. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup et la vôtre. C'est que, pour une fois, je pense que Kubrick s'est intéressé à quelque chose de sa culture dont il n'a jamais rien fait dans son cinéma, qui est la judéité. C'est-à-dire que, pour moi, c'est l'étape de la loi sans la loi. C'est l'étape de la loi sans écriture. Il n'y a pas un mot écrit dessus. Quand on sait que c'est l'obsession absolue de Kubrick que de lutter contre le langage, de lutter contre comment le dialogue pourrait apporter des choses dans le film, eh bien là, il me semble qu'il prend le risque, ou que ça l'intéresse, de montrer une puissance tutélaire, alors vous l'appelez comme vous voulez, qui va arriver, qui va commander le reste, mais qui est sans aucun mot qui soit inscrit dessus, alors qu'on pourrait l'attendre. David Elbaz, quelle est votre lecture de ce monolithe noir? Alors, j'avoue que j'aime bien cette idée des tables. Elle est très séduisante. Elle est très séduisante et ça colle assez bien aussi avec l'image que je m'étais faite, qui était qu'à chaque fois qu'on a vu ce monolithe noir, il y avait une transition majeure dans l'évolution de l'homme en tant qu'humanité. D'abord, il va trouver l'outil. On ne sait pas si le monolithe va lui donner l'idée parce que c'est après qu'il l'ait touché, ou si c'est que le monolithe est arrivé parce qu'il allait le faire après, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ça coïncide de la même manière que les planètes sont en conjonction, donc à un moment, une sorte de coïncidence, il y a une coïncidence entre cet événement-là et l'arrivée du monolithe et puis l'outil. Ensuite, sur la Lune, la capacité de l'homme à aller sur la Lune, puis à déterrer le monolithe, ça montre qu'il a atteint un certain niveau. Et arrivé à ce niveau-là, de nouveau, le contact a lieu, une autre transition. L'étape de la loi, c'est la traversée du désert, et puis une nouvelle transition. Le peuple juif va changer, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, donc on connaît l'histoire, ils vont tous mourir, et c'est leurs enfants qui arriveront dans le désert. Mais il y a cette idée, effectivement, d'une transition. Et là, et ce qui est intéressant, c'est que le film va ensuite montrer une troisième fois le monolithe, et là va nous amener à ce que sera demain. Et là, il y a la transfiguration de David Bowman. Ouais. Ah oui, et là, il va y avoir une rencontre entre le vieillard qu'il est lui-même et l'enfant. Et ça me fait penser cette idée-là d'aller, il va se retrouver dans la forme d'un enfant avec un regard qui semble être intelligent. Ça me fait penser au sage chinois qui s'appelle Lao Tzu. Il y a plusieurs traductions du mot chinois Lao Tzu, mais c'est quelque part, ça veut dire le vieux sage ou le vieil enfant. Et l'idée qui est là, c'est qu'on retrouve la sagesse de l'enfant et finalement la science, la quête du savoir, c'est retrouver ce regard qui fait que lorsqu'on touche une certaine forme de connaissance, de la même manière qu'on touche ce monolithe, on est transformé. On ne peut pas en ressortir dans le même état qu'on était avant. C'est ça pour moi le monolithe noir. Alors il y a des indices, Sam Azulis, avant de vous demander votre interprétation, il y a des indices quand même qui ont été disséminés, notamment par Clark, pour qui finalement ce monolithe c'est une incarnation d'une civilisation extraterrestre, extraterrestre interventionniste qui nous regarde et qui à certains moments de l'humanité nous donne un coup de pouce dans l'évolution, et avec du coup quelque chose d'intéressant, c'est la représentation d'une civilisation extraterrestre, là aussi en rupture totale avec toutes les séries B, X, Y et Z qu'on avait pu avoir, et des monstres en latex avec des tentacules et des rayons laser dans les yeux. Oui, c'est vrai qu'il y a même eu des tests qui ont été effectués pour représenter les extraterrestres. Mais là, en l'occurrence, si on veut vraiment être précis par rapport à la genèse du film, au départ, Clark et Kubrick donc écrivent ensemble le scénario qui est presque d'abord un roman à la première étape. Et l'idée, c'est vraiment que c'est une machine qui est destinée à incrémenter dans l'esprit des proto-humains ce bond évolutif qui va être à la fois la compréhension de la temporalité et donc la naissance de l'outil. Avec ce présupposé fondamental, qui est un présupposé anthropologique de 2001, que Kubrick emprunte à l'anthropologue Robert Ardrey, mais qui aussi on peut rattacher à Spengler, c'est l'idée que finalement l'homme et la technique sont co-originaires. Donc c'est pas le rire, c'est pas le langage comme chez d'autres philosophes qui va faire que on est humain, c'est la technique. Et la technique, c'est l'outil, et l'outil, c'est l'arme. Donc, technique, outil, arme, violence, tout ça est lié. Donc, pour revenir au monolithe, effectivement, il y a beaucoup d'hypothèses. La littérature kubrickienne en est remplie. Est-ce que c'est Dieu, une forme de vie exotique extraterrestre basée, je ne sais pas moi, sur du silice? Est-ce que c'est la pierre philosophale? Est-ce que c'est l'expression d'un concept plus général, comme le progrès, la causalité, la raison hegelienne, que sais-je encore? L'idée, c'est cette machine qui va donner des informations. Mais le problème, c'est que le bloc de plexiglas, effectivement, ne fonctionne pas. Ils essayent de projeter des images, ça ne marche pas. Donc, ils vont opter pour autre chose. Et ça correspond à la méthode, à la démarche de Stanley Kubrick, cinéaste. C'est-à-dire qu'il fonctionne par soustraction symbolique. Plutôt que d'ajouter des référents, des évidents, etc., lui, il veut retirer pour ouvrir le champ interprétatif. Ce qu'on retrouvera chez Lynch, par exemple, plus tard. Absolument, absolument. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce monolithe ? Moi, je n'opterais pas... L'hypothèse est très séduisante, mais je n'opterais pas trop pour l'hypothèse transcendante, mais plutôt pour l'idée d'un trait d'union, d'une médiation entre l'homme et le cosmos. Précisément parce que le monolithe est un objet astral, qu'il provient du cosmos, qu'en même temps il est dressé comme les bipèdes sont dressés, et qu'il établit ce lien entre le mouvement des astres, qui est central dans tout le film, et le mouvement de l'esprit, qui amène l'homme à posséder l'outil, à découvrir la causalité. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Avant de parler rapidement en quelques mots de la postérité de 2001, tout de même, ne serait-ce que pour faire plaisir à Carole Desbarin, un dernier extrait. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you. Dave, stop. Stop. Will you? Stop, Dave. Will you stop, Dave? I'm afraid, Dave. My mind is going. I can feel it. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer to. Comment s'émouvoir de la mort d'un personnage malveillant qui n'est même pas un être humain, Carole Desbarin. Si vous voulez, moi je trouve qu'il a un frère, d'une certaine manière, Al. C'est M. M le maudit. C'est-à-dire, comment s'émouvoir d'un M, c'est quand même un personnage qui tue des petites filles. C'est un serial killer. Et on arrive à suivre ses actes, on l'accompagne, on ne le justifie pas, mais on est dans la souffrance avec lui. Et ce qui se passe dans cette séquence, pour moi, ça a un équivalent dans la grande séquence de la fin de M le Maudit, où le personnage explique qu'il est poussé par une force qui le dépasse. Et il y a quelque chose de terriblement humain dans les deux séquences. Très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, Sam Azoulis, que peut-on dire de la postérité de 2001? C'est toujours difficile de parler de la postérité d'une œuvre qui marque à ce point son époque, parce que c'est répété, jamais égalé. Mais néanmoins, 2001 a lourdement influencé la science-fiction et au cinéma, et certainement aussi en littérature. Bah oui, Georges Lucas, le premier à l'admettre, en disant « j'ai voulu faire un 2001 sans philosophie ». Et le résultat, c'est non plus cette esthétique immaculée, sublime qu'a conçu Kubrick, mais de tout salir. Ce qu'a fait aussi Ridley Scott, un futur sale, crade, mais hyper détaillé, hyper réaliste. Donc, immense impact sur toute l'esthétique de la science-fiction contemporaine. L'ordinateur, bien sûr, Hal, qui, derrière ses pelures d'oignon qui constituent sa personnalité, se révèle être un enfant, avoir un affect humain, proprement humain. Et donc, c'est un ordinateur qu'on pourrait, effectivement, psychanalyser. IA de Spielberg le fait en partie. IA, effectivement, auquel Kubrick s'est intéressé dès les années 70. Puisque c'est un projet de Kubrick à l'origine. C'est Kubrick qui a travaillé dessus, oui, tout à fait. Et donc, et pour finir, la séquence strip qui a aussi influencé tout le cinéma psychédélique, mais aussi de science-fiction. David Delbaz, en quelques mots. Alors, en quelques mots, je dirais qu'il y a aussi dans la deuxième partie, on voit les Américains qui parlent avec les Russes, et ça, c'est peut-être l'enjeu pour demain. Aujourd'hui, c'est plus un enjeu tellement technique, c'est l'enjeu de se parler tous ensemble pour que l'humanité tous ensemble avance et puisse réaliser le rêve qui était proposé par Kubrick. Et on n'a même pas parlé de Interstellar de Christopher Nolan, de la suite écrite par Arthur C. Clarke, qui a écrit 3 autres tomes après 2001. Bref, on en reparlera dans d'autres émissions. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler des 50 de 2001. Merci Carole Desbarra, merci Sam Azoulis, une odyssée philosophique, cette édition de la transparence. Merci David Elbaz, à la recherche de l'univers invisible, c'est chez Odile Jacob, et merci aux camarades de France Bleu Brésisel à Quimper pour le duplex. Merci. Et puis sait-on jamais, 2001 si vous ne l'avez pas vu, c'est en DVD et en Blu-ray chez Warner si vous voulez le revoir. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'est Thibaut Nassim Ben qui est à la technique aujourd'hui. La suite de vos aventures dans un instant, c'est le magazine de la rédaction. Tout à l'heure, du grain à moudre à 18h20, le club du grain à moudre en direct du Bel Air. À quoi servent les interviews politiques? Vaste question. Pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, lundi, nous parlerons de la DMLA, mardi des terres rares, mercredi du camouflage et des matériaux d'invisibilité. Jeudi, nous recevrons la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal. Et vendredi prochain, ce sera l'actualité des sciences et de la recherche. Un mot pour vous dire que demain à 16h, Étienne Klein recevra François Julien dans la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.